s'assumer ou pas un peu. Ça se matricule un peu. Ça se bat bien un peu. Il en redemande le peuple. Un peuple, ça se contente de peu, un peuple. Une petite baisse de bon doudou. Tu lui tends une petite carotte. Il fritille la queue, puis retourne dormir. Ça aime beaucoup les miettes un peu.